Avez-vous déjà lu La République de Platon ? Eh bien, c'est moi, La République. Je me réciterai pour vous un jour où vous aurez le temps. Merci beaucoup. La République de Platon, saison 1, épisode 1. À quoi bon être juste quand les plus forts font la loi ? Nous, ce qu'on veut, c'est la justice ! Justice ! Pardon, mais à qui ça parle, le sentiment de justice ? À personne. Sans parler de notre majorité, elle s'en tape du sentiment de justice. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Dans le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu, que j'aime ce port du cou. Bonjour Dimitri Elmure. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Platon et Dalida ? Non. Bah le Pirée. Nous sommes en train d'écouter les enfants du Pirée. Avec quoi commence la République de Platon ? Effectivement. Avec une invitation à se rendre au Pirée pour assister à une certaine fête. Le Pirée, c'est le port principal d'Athènes. Hein. Ah, je le savais pour Platon, mais je ne le savais pas pour Dalida. Ah oui, ben voilà, justement, ben c'est donc le point commun. On commence avec le Pirée, dans un instant. Nous allons lire, vous l'avez entendu, hein, on a Laurence Malonda a enregistré un jingle pour l'occasion. La République de Platon, première saison, épisode 1. Car figurez-vous que nous allons lire La République de Platon pendant 2 semaines. 8 émissions consacrées à La République de Platon. Ne me dites pas que c'est trop. C'est pas assez. c'est déjà très bien. Non, à ce propos, d'ailleurs, je vous félicite vraiment, sans flagornerie, parce que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir... On a beaucoup de chance quand même d'avoir une émission dans laquelle on peut prendre le temps de lire un texte de manière aussi... de parler d'un texte de manière aussi détaillée. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, vraiment bravo pour ça. Et puis, vous avez raison de le faire avec La République. Si je peux raconter une anecdote, moi, La République, ça fait beaucoup rire à mes étudiants quand je leur dis ça. Mais moi, c'est mon texte, il déserte. Vous savez, je pose souvent cette question en cours. Est-ce que si vous deviez prendre un ouvrage philosophique et un seul, hein, pas deux, un, lequel vous prendriez ? Alors, il y a plein d'étudiants qui disent l'éthique de Spinoza, Nietzsche, etc. Moi, c'est toujours, depuis toujours, c'est la République de Platon. Et pour une raison très simple, c'est que c'est un livre inépuisable, vrai au sens propre, hein, c'est-à-dire qu'on le relit 100 fois, il y a toujours des détails qu'on aperçoit pour la première fois, et c'est un livre total. C'est-à-dire que c'est la critique de la raison pure, la phénoménologie d'esprit de Hegel, c'est le capital de Marx, c'est l'éthique nicomaque d'Aristote, c'est les méditations métaphysiques de Descartes. Tout ça en un. Non pas que Platon dise la même chose que tous ces philosophes-là, mais il y a l'ambition de tous ces textes-là en un. Donc ça vaut 8 émissions. Ouais, donc c'est pas où ça, j'en suis sûr. Mais je suis ravi de commencer cette semaine avec vous, Dimitri Elmure. Mais alors c'est pas simplement un texte. Disons que c'est un des textes fondateurs de l'histoire de la philosophie. On en fait surtout un texte de philosophie politique. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, évidemment, qu'on a programmé ces 2 séries d'émissions, ces 2 semaines d'émissions maintenant, puisqu'on a quelques semaines, quelques mois des élections présidentielles. On entend beaucoup parler de thèmes tels que la justice, qu'est-ce qu'un bon citoyen, entre les différences entre la gauche et la droite, qu'est-ce que la République, etc. Et Platon, dans ce texte-là, pose ces questions. Je ne dis pas qu'il y répond, je dis qu'il soulève ces questions. Et donc l'idée, c'était d'arriver à formuler ces questions de manière à ce que tout un chacun puisse essayer de faire des liens avec aujourd'hui, mais quand même précisant que ce n'est pas simplement un texte de philosophie politique. Vous l'avez dit, c'est un texte de philosophie, alors qu'est-ce qu'on dit, général ? De tout, en fait. De tout. Mais c'est même. Il y a de l'épistémologie, de l'esthétique. Exactement, c'est le premier. On pourrait presque penser que c'est le premier traité complet d'ontologie, le premier traité d'épistémologie, la première éthique de manière aussi développée, avant même l'éthique anicomique d'Aristote. C'est le premier traité de philosophie politique, si on veut employer ces catégories-là. Enfin, la République, c'est le premier en tout. C'est ça qui est tout à fait. Et puis, c'est peut-être le premier texte qui détermine la chose qui nous unit, à savoir la philosophia. La philosophie. Mmh. Donc voilà, c'est effectivement c'est un premier, voilà, un premier parmi les premiers. Donc c'est un excellent choix vraiment. Alors bah commençons avant de, on va retourner au Pirée hein, dans un instant avec Socrate. D'abord dites-nous, la République se divise en 10 livres. Nous, on en a fait 8 émissions, mais de toute façon, les 10 livres, c'est a posteriori, c'est artificiel oui, c'est, comme classement. Alors, artificiel. Ça n'est pas de Platon. Voilà. C'est a posteriori, mais alors, c'est une très bonne question. C'est a posteriori, mais c'est pas artificiel. Je veux dire par là qu'on a, je rentre pas dans les détails techniques, mais on a des preuves, des témoignages qui nous poussent à croire de manière très vraisemblable que Platon a plutôt composé une République en 6 livres. OK? Ça correspond à la taille des rouleaux de papyrus, peu importe tout ça. Effectivement, nous, on a une République en 10 livres. Elle a été divisée sans doute postérieurement, sans doute au 1er siècle de notre ère, peut-être par Thrasyle avant, peu importe. Ce qui est super intéressant, c'est que si on fait l'effort un peu technique de retrouver la République en 6 livres, ce qu'on peut, à part un certain nombre de témoignages postérieurs qu'on a, on se rend compte qu'elle n'a pas la structure magnifique de celle en 10 livres. Parce que la structure en 10 livres, celle que vous allez suivre pendant toute cette semaine, et vous avez bien raison, elle a une très belle digression centrale, les livres 5, 6, 7, elle a une super unité avec les livres 8 et 9, elle a le livre 10 qui est comme une sorte d'appendice dont on se pose toujours la question de savoir comment il est relié au reste, elle a évidemment un livre 1 qui pose un certain nombre de questions, etc. etc. Donc elle est très claire, elle correspond à une sorte de logique naturelle. Ouais. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que sans doute que Platon, lui, n'a pas écrit la République comme ça. Ça veut dire que sans doute que Platon a écrit la République pour qu'à la fin de chaque rouleau, il y ait une sorte de suspense. Et que donc, ça veut dire une chose philosophique vraiment de premier plan, qui est que la République, c'est un argument continu. Donc on peut la diviser en livres, et c'est très pratique, c'est pratique pour enseigner, c'est pratique pour faire des émissions, c'est pratique pour plein de choses, mais il ne faut jamais oublier, quand on est un lecteur assidu de Platon, que c'est un argument. C'est l'argument qui va vous démontrer, on y reviendra, que quelles que soient les circonstances, il faut toujours choisir la justice. Et c'est pas facile hein, de démontrer ça. Donc il faut bien 10 livres. Mais voilà. D'ailleurs, c'est un des sous-titres qu'on trouve. Alors, est-ce en effet des traducteurs ou de Platon lui-même? Non, à c'est la République. La tradition ultérieure, oui. Il y a écrit de la justice. Oui, Peri Dicaeus Funès, c'est-à-dire de la justice. C'est des sous-titres qu'on a mis, effectivement, bien plus tard, quand on a commencé à classifier les dialogues de Platon. Et c'est pour ça qu'on les a divisés aussi, pour plein de raisons numérologiques qui sont amusantes, mais pas très intéressantes. Parce que c'est pas évident de faire le lien entre République et justice. Non, et surtout que déjà, République, c'est la traduction de Cicéron. En grec, c'est politeia. En fait, si on voulait traduire vraiment la République, on devrait dire on devrait l'appeler constitution. Constitution. Constitution, voilà. Ou comme on le traduit par du régime politique. Oui, parce que res publica, c'est vrai que c'est. C'est la traduction latine. Ça veut dire les choses publiques. Donc c'est ça, c'est la constitution. Exactement. Et c'est la traduction latine. Et petite parenthèse, le De Republica de Cicéron est en 6 livres. Et ça, c'est. Une des preuves qu'on a que sans doute lui lisait une des républiques en 6 livres. Donc il n'y a aucun lien entre la République de Platon et ce qu'on entend aujourd'hui par le mot République? Ah si, bien sûr. Non, il y a des rapports et on peut pas. La traduction cicéronienne, c'est une super traduction. C'est-à-dire que c'est hyper intelligent d'avoir comme ça, pensé la chose comme ça. Mais c'est vrai qu'en si on veut vraiment se mettre dans la tête de Platon quand il écrit ça, politeia, ça veut dire constitution. Et si on veut même être un peu plus précis, ça veut dire. Quelle est la meilleure forme du régime politique? Ouais. Et Platon, comme toujours, quand il emploie certains termes, à la fois il les emploie de manière descriptive et de manière normative, c'est-à-dire que politeia, c'est classiquement la démocratie, l'oligarchie, la tyrannie, tout un ensemble de régimes qu'on connaît à l'époque de Platon, hein, qu'on connaît Pierre-Hodote, etc. Et puis politeia, pour Platon, ça veut dire le vrai régime, c'est-à-dire le régime qui n'existe pas encore. Qui correspond à la cité idéale de la République. Voilà, ce qui pose la question du rôle de l'idéal dans la politique. Voilà. Beaucoup, beaucoup de questions. Ouais. Heureusement, on va avoir le temps de les déplier ensemble. On va commencer donc le début du premier livre. Le premier livre de la République de Platon se pose la question de la justice. Comment définir la justice? On va avoir trois premières définitions. Mais avant cela, je l'ai promis, le voici, le retour au Pirée. Pourquoi le texte? On va l'entendre dans un instant. Pourquoi ce texte, on l'a dit, aussi important dans l'histoire de la philosophie et dans l'œuvre de Platon? commence avec une invitation par des gens que le lecteur ne connaît pas, une invitation adressée à Socrate de venir les rejoindre au Pirée pour assister à une fête. C'est quel qui, pourquoi ce début? Ah, le début, ben il est bon. Alors il y a le début est comment dire magnifique à tellement de niveaux que je ne sais même pas par quoi commencer. Disons d'abord, un, ça se passe au Pirée, c'est intéressant. Donc le port d'Athènes. Le port d'Athènes, voilà, à l'extérieur d'Athènes. Deuxièmement, ça se passe chez ce qu'on appelait des métèques. C'est-à-dire, c'est chez Céphale. Céphale, c'est le père de Lysias et Polémarque. Lysias, c'est le grand orateur hein, qu'on connaît par ailleurs. Céphale, c'était un riche marchand, un marchand d'armes en fait, de couteaux, et voilà, qui a bien réussi. Et c'est chez lui. Donc, c'est, si vous voulez, déjà, c'est hyper intéressant. À la première page de la République, on est décentré. On n'est pas à Athènes. Et le dialogue de Platon, comme vous savez, il y en a quand même pas mal qui se passent à Athènes. Mmh. Pas tous, mais il y en a quand même, certains se passent en Crète, mais en tout cas, il y en a pas mal qui se passent à Athènes. Donc du coup, là, on est décentré par rapport à Athènes. C'est pas du tout étonnant quand on pense à la charge critique que la République va porter contre Athènes. Donc on voit Athènes, voilà, d'un point de vue extérieur. Hein. Effectivement, on est... alors, plein de commentateurs parfois notent le fait que ça existe même depuis les commentateurs anciens, depuis Proclus, que ça se passe au Pirée, près de la mer, que c'est une manière de critiquer la puissance thalassocratique d'Athènes, son impérialisme qui passe par des flottes, etc. Bon. Donc déjà, la situation est intéressante. Et puis donc, au Pirée, chez les métèques, et puis une fête. Effectivement, une fête. On l'invite se joindre à une fête voilà, au flambeau. Alors, on l'invite... Socrate, en un certain sens, est contraint de rester. Ouais, on va l'entendre. Voilà. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte. Et en fait, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est cette première page de la République, elle est faite pour être lue en parallèle avec l'allégorie de la caverne, dont on a déjà parlé ensemble, dont vous parlerez la semaine prochaine. C'est ça. On trouve au livre 7 de la République. Voilà, et qu'on trouve au livre 7 de la République, au tout début du livre 7 de la République, et elle est faite pour faire un écho par rapport à ça. Et donc, la première page de la République contient, comme souvent les incipits des dialogues de Platon, les ouvertures des dialogues de Platon, elle contient tout un ensemble de choses qui nous permettent de comprendre ce sur quoi Platon va insister. C'est-à-dire autant de, si vous voulez, de, je sais pas, de pierres d'attente ou de marqueurs comme ça conceptuels, où Platon nous dit attention, il y a quelque chose qui va se passer sur tel ou tel concept, tel ou tel mouvement, telle ou telle idée. Voilà, et les prologues servent à ça. Et celui-là marche exactement comme ça. On l'écoute ? On l'écoute. J'étais descendu hier au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston. Mon intention était d'adresser un vœu à la déesse et en même temps je voulais voir la fête. Comment allait-il s'y prendre, vu qu'il la célébrait pour la première fois? Sans doute, je trouvais belle la procession des gens du pays, elle aussi, mais ne me parut pas moins adaptée à la fête la façon dont défilèrent les traces. Une fois nos vœux adressés et le spectacle regardé, nous repartions vers la ville. Or, nous voyons de loin, pour nous hâter de rentrer chez nous, Polémarque, fils de Céphale, fit courir son petit serviteur pour nous inviter à l'attendre. Et un peu plus tard arriva Polémarque, et avec lui Adimante, le frère de Glaucon, Nicératos, fils de Nicias, et quelques autres. Il revenait juste de la procession. Polémarque dit alors « Socrate, on dirait que vous vous hâtez de rentrer en ville. » « Ta conjecture n'est pas fausse. » « Et vois-tu combien nous sommes ?»« Impossible de ne pas le voir. » Alors, ou bien montrez-vous plus fort que les hommes que voici, ou bien restez ici. Je suis sûr que vous ne savez même pas qu'il y aura, vers le soir, une course au flambeau, à cheval, en l'honneur de la déesse. À cheval? Voilà qui au moins est nouveau. Ils tiendront des torches et se les passeront dans une compétition hippique. Est-ce bien cela que tu veux dire? Et c'est cela. Et en plus, on fera une fête de nuit, qui vaut la peine d'être vue. Après le dîner, nous nous lèverons pour regarder la fête de nuit, nous serons alors en compagnie de beaucoup de jeunes gens d'ici, et nous nous entretiendrons avec eux. Allez, restez, ne refusez pas. Et Glaucon dit « Il semble qu'il faille rester. » Eh bien, si c'est ce qu'il semble, c'est ce qu'il faut faire. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Dimitri Elmure, le début de La République de Platon ressemble à une pièce de théâtre. Vous aurez peut-être reconnu les voix de Manon de Lasselle, Carla Michel et Jules Barbier, hein, les collaborateurs de l'équipe de Chemin de la Philosophie, qui prêtent leur voix pour faire entendre cette polyphonie. Hein. C'est bien sûr c'est Platon qui écrit, c'est Socrate le personnage principal, mais Socrate n'est rien sans ses interlocuteurs qui sont présentés dès le début. Oui, c'est vrai, et chose pas unique dans les dialogues de Platon, mais tout à fait révélatrice quand même, c'est Socrate qui parle tout du long. Le premier vers de la République, c'est Katébène, j'étais descendu. C'est un jeu. C'est une première. Ah, vous dire, part. C'est le narrateur. Exactement. Ouais. C'est en narration directe. Voilà. Et c'est ce qui évidemment n'est pas du tout indifférent, sachant que vous allez bientôt parler de la différence entre la narration directe et et le discours rapporté quand il s'agira de comprendre l'éducation dans la République et la réforme des mythes, etc. Et on parlera justement de la différence entre discours direct et discours rapporté. Mmh. Et la République, c'est un discours direct. C'est Socrate qui dit je à qui? On ne sait pas, et qui raconte, cette très longue journée quand même, qui correspond à la conversation qu'on appelle la République. Ce n'est qu'une journée. Il n'y a pas de notation temporelle dans le texte, que je sache, hein, bien que toujours quelque chose qui peut nous avoir échappé, mais je ne crois pas qu'il y ait de notation temporelle, comme il peut y en avoir dans d'autres dialogues de Platon. Hein. Mmh. Par exemple, le thé et tête sophiste politique, on se retrouve demain, on passe du thé et tête au sophiste, puis le sophiste et le politique se suivent dans une sorte de même laps de temps, ou alors dans les lois, on s'arrête à midi, on fait une pause, etc. Là, on n'a pas vraiment de notation temporelle, c'est un peu hors du temps de ce point de vue-là. Alors, ce qui est fascinant, pour revenir à juste ce qu'on disait avant, la question que vous me posiez juste avant qu'on écoute l'extrait, ben c'est ses premiers mots. Ses premiers mots, c'est quand même... Alors, il y avait une légende dans l'Antiquité. Légende, sans doute, fabriquée, mais extrêmement intéressante, comme toutes les légendes liées aux philosophes. Vous devriez faire une émission un jour sur les légendes liées aux philosophes. C'est vrai, je note l'idée. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et une des légendes qui court autour de Platon, c'est cette idée qu'il aurait réécrit des dizaines de fois l'ordre des mots de la première phrase de la République. On aurait retrouvé des tablettes où il aurait permuté un quintilien par le permutatio pour dire voilà, il aurait permuté. Donc les premiers mots c'est kateben, ktes, eis, peiraia, mais j'ai oublié maintenant. Ah bah me regardez pas alors ça moi je... Bon bref, metagloconos, ouais. Tout aristonos, voilà, ça y est. Donc j'étais descendu hier au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston. Et donc, il y a cette légende comme quoi il aurait permuté l'ordre des mots pour trouver le meilleur ordre. Alors, certains qui n'aiment pas trop Platon, ou pas toujours, par exemple, grammairien, stylisticien Denis d'Halicarnasse, dit « Ah, bah, c'est la preuve que Platon n'arrêtait pas de retoucher le début de ses dialogues ». Moi, je pense pas. Je pense que, quelle que soit la véracité qu'on peut apporter à cette légende, ce qu'elle dit de profond, de philosophique, c'est que Platon a cherché le début le plus efficace, le plus philosophiquement efficace. Et si on prend ça au sérieux, on se rend compte que le premier mot, c'est kateben. Kateben, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe katabaino, ça veut dire descendre. Évidemment, y a un autre moment où on emploie ce verbe dans la République, c'est quand on descend dans la caverne. C'est quand le philosophe descend dans la caverne. Et c'est un mot qui est évidemment extrêmement significatif, puisque c'est lui qui a donné la katabasis, c'est-à-dire la katabase, qui correspond aussi à la descente aux enfers. Dans la tradition mérite. Donc c'est absolument fascinant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Platon a choisi ce premier mot, si vous voulez, pour pour que le lecteur qui relira La République, faut pas le lire qu'une seule fois, se rende compte que, au fond, quand on ouvre La République, quand on lit le début de La Caverne au livre 7, on est amené à reprendre le début de La République, un peu comme quand on est au milieu d'un opéra, on comprend l'ouverture que après, si vous voulez, on se rend compte de la puissance en fait de ce début. Socrate est l'analogue de ce philosophe qui redescend dans la caverne des ombres, mais lui, il est l'analogue de ce philosophe en descendant au Pirée, chez ses métèques, la famille de Céphale. Ouais, et on est déjà en plein dans la réflexion politique, puisque toute la question est de savoir qui sera le mieux à même pour gouverner un pays ou une cité. Exactement. Et la thèse de Platon, on va la comprendre cette semaine et la semaine suivante, c'est que c'est le philosophe le mieux à même pour gouverner, parce que justement, il ne veut pas le pouvoir, voilà. Mais que ce faisant, il doit faire ce geste de redescendre, ce qui est très très fort. Ça veut quand même dire que nous ne faisons pas partie de la même espèce. Il y a le philosophe, et puis il y a les autres mortels qui peuvent accueillir ce philosophe qui daigne descendre vers nous comme il descend vers les enfers. Alors, je crois que c'est un peu ça, sauf que je ne dirais pas daigner, c'est-à-dire que, mais ça pose un vrai problème. Hein. En fait, Vous disiez à juste titre, une des thèses les plus fondamentales de la République et même de la philosophie politique de Platon, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de cesse à la, comment dire, à la ruine des cités, hein, comme il le dit au livre 5, hein, 471 et quelques, tant que le philosophe ne deviendra pas roi ou reine, ou les rois ou reines deviendront philosophes. Okay. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est une thèse forte. C'est-à-dire qu'effectivement, si la philosophie gouverne la cité, alors on a une chance que ça se passe bien. Si ce n'est pas le cas, ça va à coup sûr mal se passer. Ok. Maintenant, le problème, c'est que la République, le livre, va nous faire comprendre ce que c'est qu'un philosophe, nous montrer comment il est éduqué. Et le résultat de cette éducation, c'est là où Platon est génial, c'est que le résultat de cette éducation, ça sera de produire un individu pour lequel la politique sera la dernière chose qu'il a envie de faire. Mais c'est ça. Donc on est en plein paradoxe, c'est-à-dire il y a une très belle phrase de Jacques Brunswick là-dessus que je veux surtout pas écorcher, mais qui dit quelque chose comme Platon, une des thèses les plus fondamentales de Platon, c'est d'avoir compris que la politique est une chose trop importante pour qu'on la laisse à ceux qui ne savent pas qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Ouais, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'idée c'est que le philosophe ne peut gouverner que parce que lui il sait qu'au fond la politique par rapport à ce qui est véritablement important, la philosophie, la connaissance, je vais même dire les mathématiques, voilà, la dialectique évidemment, la politique ne vaut rien à côté de ça. Et c'est pour ça. Donc vous voyez le paradoxe, ouais. C'est que pour redescendre dans la caverne, comment on va faire? Alors ça, vous poserez la question à votre invité quand vous parlerez du livre 7. Mais ça, c'est un vrai problème, le retour dans la caverne. C'est-à-dire, au fond, est-ce que comme Glaucon le dit à Socrate, mais au fond, ces philosophes, on a passé notre temps à comprendre leur vie, puis on veut quand même qu'ils soient heureux, et en fait, on leur demande de se sacrifier. Ils vont sacrifier leur bonheur pour gouverner. Et alors là, Socrate a une réponse un peu complexe. Et qui n'est pas totalement clair. Bon, on y reviendra. D'abord, prenons les choses les unes après les autres. Nous sommes au livre 1 oui. de la République. On a entendu le début de ce texte que vous avez magnifiquement commenté. Maintenant, comment passe-t-on de ce début à la question de la justice? Est-ce que ça veut dire que pour réfléchir à ce que c'est que la... D'abord, comment Socrate en vient-il à réfléchir à ce que c'est qu'une cité juste et à la République, alors que jusqu'à présent, enfin là, on l'a laissé, on l'a juste invité à faire la fête. Hein. Il est arrivé chez Céphale, et le vieux Céphale, qui est un homme âgé, donc il commence à badiner, comme toujours, ça commence souvent en badinant, hein, les dialogues de Platon, bon, le badinage est toujours sérieux, hein, c'est comme Marivaux. Hein, la discussion s'enclenche avec Céphale, qui est un vieux monsieur, sur les pratiques un petit peu de Céphale, et Socrate qui lui dit mais moi j'adore parler avec des gens qui sont plus âgés parce que ils sont au soir de leur vie et on se demande un peu comment ils voient les choses au soir de leur vie et ils commencent à réfléchir un peu sur justement qu'est-ce que ça change au fond d'être vieux et de là on va passer à la question de la justice de manière assez subtile et importante à mon avis. Est-ce que vous voulez qu'on entende, on peut entendre le texte de Céphale qui décrit la paix qu'il trouve dans la vieillesse. Tout à fait. C'est un texte magnifique. Ouais. La plupart d'entre nous, quand nous nous réunissons, gémissent. Ils regrettent les plaisirs de leur jeunesse et rappellent à leur mémoire les plaisirs d'Aphrodite, ceux de la boisson, ceux du bien manger et tous les autres qui en sont proches. Et ils s'irritent comme des gens privés de choses importantes, comme des gens qui autrefois vivaient bien et qui à présent ne vivent même plus. Et quelques-uns se plaignent aussi des humiliations dues à l'âge que leur font ressentir leurs proches. Et pour finir, ils déclament un grand poème de la vieillesse, énumérant tous les maux qu'elle leur cause. Car si c'était la cause, je ressentirais moi aussi, du fait de la vieillesse, les mêmes effets que tous les autres hommes qui sont parvenus aussi loin dans l'âge que moi. Or, en fait, moi, en tout cas, j'en ai déjà rencontré d'autres que moi à ne pas réagir ainsi. En particulier, un jour, Sophocle, le poète. J'étais à côté de lui quand quelqu'un lui demanda « Quelles sont, Sophocle, tes relations avec les plaisirs d'Aphrodite? Es-tu encore capable de t'unir à une femme ?» Et lui « Retiens ta parole, l'homme, dit-il. Je suis tout à fait content d'avoir échappé à cela, comme si j'avais échappé à un maître enragé et sauvage. » À coup sûr, à ce moment-là, et ce n'est pas moins vrai aujourd'hui, ce grand homme me donna l'impression de bien parler. Car à tous égards, quand il s'agit de ce genre de choses, il y a dans la vieillesse paix et liberté complète, lorsque les désirs cessent de se tendre et qu'ils se relâchent, arrive tout à fait ce que disait Sophocle. On a l'occasion de se détacher de maîtres très nombreux et en proie au délire. Le suspense est à son comble, Dimitri Elmure, parce qu'on s'attendait à un texte sur la vieillesse qui aborde la question de la justice. Or, ce que nous entendons, et c'est d'ailleurs assez rare pour le remarquer, et ce sont des considérations, disons, érotiques. Hein, on s'interroge, mais où en es-tu hein, dans ta relation, à ta libido, à ton désir sexuel? Bah, je me sens beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus rien. En gros, c'est la réponse. Alors, comment passe-t-on de considérations érotiques à la bonne définition de la justice, Dimitri Elmure? Bah, justement, alors d'abord, dans ce texte, quand même, Platon est quand même génialement méchant, et le pauvre Sophocle. Pourquoi Céphale est en train de nous dire, il nous dit quoi? Il nous dit, heureusement que je suis vieux, oui. Parce que maintenant que je suis vieux, je suis quand même débarrassé de mon intempérance. Très bien. Et Sophocle dit la même chose. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la justice? Mais en fait, on est déjà en plein dans le sujet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que va nous montrer la République? La République va nous montrer qu'effectivement, la justice, c'est une, on va y revenir après, c'est une question d'ordre intérieur. Et donc, c'est une question aussi de tempérance, c'est-à-dire une manière qu'on a de régler nos désirs. Et donc, on commence la discussion avec quelqu'un qui nous dit, pour régler ses désirs, c'est très simple, faut juste arrêter qu'il soit là. Mais c'est exactement l'inverse que nous propose la République. Il faut pas attendre d'être vieux pour commencer à être juste. Il faut être juste tout de suite et maintenant. Mmh. Et comment on est juste tout de suite et maintenant? En, justement, comprenant quel est l'ordre sain de notre âme. Donc, la place qui tient la justice et la place qui tient la modération, ou la tempérance, la sophrosyné en grec, des deux vertus qui vont s'articuler l'une à l'autre, la justice et la modération, et dont on va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans la République que c'est une question intérieure. C'est une question d'ordre de l'âme. Et, en fait, Céphale, c'est ça qui est super dans ce début, c'est l'homme en apparence juste, mais en extériorité. Tout est question d'extériorité avec Céphale. Il sacrifie parce qu'il faut le faire, il rend ses dettes, il paye ses dettes parce que c'est comme ça qu'on doit le faire, il arrête de désirer parce qu'il est devenu vieux. Mais évidemment, c'est pas être vertueux que d'agir comme ça. Être vertueux, c'est comprendre la nécessité qu'on a de se soumettre à un certain ordre. Vous voulez dire que ce qui manque à Céphale, c'est la connaissance, c'est d'agir en connaissance de cause. Il le fait par intérêt bien compris. Je pense qu'il est même, en deçà de cet état-là. C'est-à-dire qu'il est dans l'habitus. C'est-à-dire, on agit comme ça, c'est comme ça. Il se pose pas la question. Non, il se pose pas la question. C'est la tradition, les coutumes qui le font agir comme ça. Et c'est pour ça que Platon utilise ce personnage. Ouais. C'est aussi pour nous montrer d'où on part quand on pose la question de la justice. Pour vous dire les choses autrement, la justice, avant la République, c'est une question de... essentiellement une question de comportement et d'adéquation à une norme sociale. Après la République, je dis ça de manière un peu dramatique, mais pour le dire de manière forte, après la République, la justice devient une question d'ordre intérieur. Et ça, c'est un déplacement conceptuel massif. Mmh. Massif. C'est-à-dire que ça change tout. Ça change toute la manière dont la question est posée. Aristote la posera différemment à cause de ça, et même si on peut être en désaccord avec Platon sur tel ou tel propos, la question de savoir si oui ou non la justice de mon comportement dépend ou non de la justice de l'état de mon âme, ça c'est la grande thèse platonicienne. Oui, mais alors comment faut-il s'y prendre pour encourager le lecteur à avoir envie de le suivre? Parce qu'en clair, si le but est d'avoir une vie bonne, et qu'on a ce Céphale qui a l'air tout à fait en paix avec lui-même, on a envie de lui ressembler, on a envie d'être aussi en paix que Céphale au moment, au crépuscule de son existence. Ouais. Pourquoi diable viendrait-on s'embêter avec la définition de la justice qui certainement ne nous aidera pas à mieux vivre que ne le fait Céphale? Alors, Platon pense que si. Elle pense qu'elle nous aidera à mieux vivre. Parce que d'abord, on comprendra l'ordre qu'il faut imposer à son âme. Et puis parce que la thèse de la République, c'est là où la thèse est extravagante d'ambition philosophique, c'est de montrer que, quelles que soient les circonstances, on y reviendra quand on parlera du livre 2 de toute façon. Demain, oui. Mais voilà, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire si je suis au fond d'une prison, malheureux, malade, pauvre et détesté par tout le monde, il faudra quand même toujours que je choisisse la justice et non la justice. Et que c'est comme ça que je serai heureux. Mmh. C'est une thèse, effectivement. Il n'y a pas de bonheur sans justice. Non. Alors, définition de la justice, Dimitri? Alors, la justice, alors ça, vous le verrez en détail avec le livre 4, mais j'anticipe. Bah oui. Non, il y a des définitions, des tentatives de définition qui sont esquissées dans le livre 1. Ah, il y a des tentatives, alors, par exemple, celle qui va suivre. Donc, juste pour relier les points entre eux, après ce passage, justement, sur les désirs et sur la vieillesse, etc., où on comprend qu'au fond, la question du désir va être centrale, disons les choses comme ça. On parle aussi de la question de l'argent, qui suit, parce que désir sexuel, mais aussi désir de possession. Mmh. Hein, donc, tous les grands thèmes de la République sont déjà introduits dans la discussion avec Céphale. Et puis, Paul et Marc, le fils de Céphale, hérite de la discussion. Et là, on rentre un peu plus dans une définition de la justice. Et par exemple, une définition qu'on donne, c'est rendre ce qu'on doit à quelqu'un, ou faire du bien à ses amis et nuire à ses ennemis. Et Socrate montre à chaque fois, toujours avec le même argument, que, pour le dire très simplement, tout ça, c'est des comportements sociaux, mais qu'au fond, ce qui compte, c'est l'état dans lequel son âme est quand on réalise ses actions. Et de fil en aiguille, en passant par Trasima, dont on va parler tout à l'heure, on va en arriver à la fin du livre 4, donc à la fin du livre 4. Hein, la définition de la justice dans la République, la définition platonicienne de la justice, ouais. C'est 444a et suivant. Donc c'est la toute fin du livre 4, et c'est là où on nous explique, alors vous allez me dire, voilà une définition tellement, tellement déceptive, que la justice, c'est que chaque partie de mon âme fasse ce qu'elle a à faire. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est quand même, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais non, parce que justement, c'est au fond, c'est tout le mouvement qui compte. Vous savez, pour le dire autrement, pardon, je fais une petite parenthèse, mais les définitions chez Platon, quand il y en a, et il n'y en a pas beaucoup, ouais. C'est pas toujours très intéressant. Ce qui compte, c'est quand même tout le mouvement qui amène à la définition, c'est-à-dire le mouvement de développement de la pensée, Platon appelle dialectique, ou dialogue, voilà, qui nous amène à la définition. La définition, si on l'extrait du mouvement de la pensée qui l'amène, c'est une opinion. Ça intéresse pas beaucoup Platon. En revanche, la définition, quand elle est le fruit, quand elle accouche, ou qu'elle est accouchée, pardon, par le mouvement d'une pensée, c'est-à-dire les quatre premiers livres de la République, là, ça devient intéressant. Mais ça veut dire, si je vous suis bien, qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe dans l'âme et ce qui se passe dans la cité. Exactement. Une âme juste sera le reflet d'une cité juste, ou inversement. Alors, d'où l'utilité de se poser la question, enfin même l'urgence. Exactement. Alors ça, on en parlera, je pense, assez en détail demain, parce que ce qu'on appelle l'isomorphisme entre l'âme et la cité, ou l'analogie entre l'âme et la cité, c'est posé dans la République, au livre 2, 368 et quelques, où là, on a vraiment un de ces tournants dont Socrate a le secret dans la République, où il nous dit, bon, pour savoir ce que c'est que la justice dans l'âme, il faut voir les choses en plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand qu'une âme? Une cité. Regardons comment ça marche dans une cité. Donc ensuite, concevons l'origine d'une cité. Ouais. Et ensuite, on rapportera la définition qu'on aura trouvée de la justice dans la cité sur l'âme. Et donc le moment où Socrate fait cette application de la justice dans la cité à la justice dans l'âme, c'est que vers la fin du livre 4. Donc vous voyez, il y a tout un mouvement comme ça qui naît au livre 2, qui se conclut au livre 4 par une définition de la justice qui paraît extrêmement déceptive. S'occuper de ses propres affaires, c'est ça la justice. Alors il faut présenter qui est Trasimaque, puisqu'on l'a vu hein, dans ce premier livre, donc on a entendu un peu Glaucon et Adimonte, on a entendu un texte de Céphale, vous avez parlé de Polémarque, le fils du marchand Céphale, qui effectivement vient proposer une définition de la justice, qui serait notamment celle de faire du bien à ses amis et de rembourser ses dettes. Mais quand même, le personnage qui nous intéresse dans ce livre 1 est celui qui exprime une conception de la justice qui ressemble à celle de la loi du plus fort, c'est Trasimaque. Qui est Trasimaque? Trasimaque, on le considère comme un sophiste, je ne sais pas si la dénomination est très juste. Il y a pas mal de mystères autour de Trasimaque. Je parle du personnage historique. Trasimaque de Chalcédoine, on a quelques fragments, il a sans doute été ambassadeur, voilà, il y a pas mal voilà de questions autour de lui. Au fond, ce qu'on sait de lui et ce qui nous marque dans le personnage, c'est ce que Platon en dit. Mais on peut pas évaluer l'historicité de ça. Donc laissons cette question de côté, même si elle peut être intéressante pour certains points. Laissons ça de côté. Qui est Trasimaque dans la République? Dans la République, Trasimaque, ce qu'il révèle, c'est la manière dont il arrive dans la discussion. C'est un texte magnifique où Socrate est en train de réfuter Polémarque, donc dont on parlait à l'instant. Et puis lui, il arrive en disant mais qu'est-ce que c'est que ce charabia quoi? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Il est en colère, il est pas content, il fait un peu peur à tout le monde parce qu'il trouve que tout ça c'est du blabla que Socrate est en train de dire. Mais pour lui, la question est claire. La justice, comme vous le disiez, c'est l'intérêt du plus fort. Alors. Il n'a pas toujours la même définition de la justice, Trasimaque, hein, mais en tout cas, il a une conception, disons, appelons-la immoraliste, pour faire simple, de la justice, et il dit à Socrate, voilà une bonne définition, je t'en donne une, réfute-moi. La discussion prend un tour tout à fait différent. C'est-à-dire qu'effectivement, en un certain sens, on pourrait dire que Trasimaque, c'est un peu le premier grand héros de la République. C'est-à-dire que c'est avec lui que commencent vraiment les choses sérieuses. Je dis commence parce que il faut jamais déconnecter, me semble-t-il, le livre 1 et le livre 2 de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Trasimaque va lancer un défi à Socrate, et ce défi va être repris et alourdi et complexifié par Glaucon et Adimante au début du livre 2. Donc on a une sorte de, si vous voulez, de séquence immoraliste, ou de triple défi immoraliste, si vous voulez, marqué par Trasimaque, Glaucon, Adimante. Alors, on verra les deux autres demain, mais le premier, le défi, c'est de... Enfin, le défi qu'il lance à Socrate, c'est de l'amener à montrer que la justice est quelque chose qui doit être choisi. Alors que, en fait, on voit très bien que l'injuste a toujours le dessus. Et d'ailleurs, il a raison, Trasimaque. Bah, il a complètement raison. Ouais. On va l'écouter, puis vous ferez peut-être Socrate en mesure de le réfuter. Trasimaque, très en colère, écoutez. L'homme juste est en toutes circonstances placé dans une position inférieure à l'homme injuste. Prenons d'abord le cas des contrats où ils s'associent mutuellement. Tu ne trouveras jamais, lorsque l'association est dissoute, que le juste a profité plus de l'association que l'injuste, mais bien qu'il y a perdu. Prenons ensuite le cas des affaires de la cité. Lorsqu'il faut payer des contributions, le juste, dans une situation d'égalité de fortune, va devoir contribuer davantage. L'autre moins. Lorsque chacun d'eux exerce quelque fonction publique, ce sera le lot de l'homme juste que de voir sa situation personnelle se détériorer du fait qu'il la néglige, et de ne tirer aucun profit de la chose publique, parce qu'il est juste. Il se trouve par ailleurs en butte à l'hostilité de ses parents et de ses proches, parce qu'il ne consent pas à leur rendre service au détriment de la justice. Pour l'homme injuste, c'est tout le contraire qui lui arrive. Le plus facile pour t'en rendre compte, c'est d'aller jusqu'à considérer l'injustice la plus totale, celle qui rend l'homme qui la commet tout à fait heureux. Il s'agit du pouvoir tyrannique, qui n'y va pas petit à petit pour s'emparer du bien d'autrui, mais le fait avec violence d'un seul coup, qu'il s'agisse de biens sacrés et profanes, de biens privés et publics. Ainsi donc, Socrate, l'injustice, quand elle se développe suffisamment, est plus forte, plus libre, plus souveraine que la justice. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de la République de Platon cette semaine et la semaine prochaine. Aujourd'hui, premier temps, donc premier épisode en compagnie du philosophe Dimitri Elmure. On essaie de définir ce qu'est la justice, puisque c'est ce que Socrate fait dans le premier livre de la République, écrite par Platon. Alors, définition de la justice ici par Trasimaque, lu par Vincent Schmitt. Pour être tout à fait honnête, Dimitri Elmure ici... est-ce qu'on a vraiment une définition de la justice comme étant la loi du plus fort? On a surtout le constat qu'il y a plus d'intérêt et d'avantage à être plus fort qu'à être juste. Tout à fait. En fait, il y a la justice, la définition de la justice comme intérêt du plus fort intervient un petit peu avant. Et au fond, ça c'est une vraie question dans les études platoniciennes, de savoir si la position de Trasimaque est parfaitement cohérente. Disons que Trasimaque soutient trois thèses. La justice, c'est l'intérêt du plus fort. La justice, c'est l'intérêt du pouvoir en place. Vous voyez, c'est pas déjà forcément la même chose. Et troisièmement, la justice, c'est toujours le bien d'autrui. Donc c'est intéressant parce que je dis pas que les trois thèses sont nécessairement incompatibles ni incohérentes. Après, il faut quand même les travailler pour comprendre un peu comment elles fonctionnent. Alors ça c'est une question qui reste un peu une question ouverte. Moi, je voudrais plutôt déplacer un peu le problème. C'est pas vraiment ça qui est intéressant du point pour comprendre Trasimaque. Pour comprendre Trasimaque, me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est sa méthode. C'est-à-dire que peut-être que ces thèses sont pas nécessairement cohérentes, mais ce qui est vraiment caractéristique de sa méthode, c'est que Trasimaque cherche à faire tomber les masques. Et ça, c'est parfaitement, ça se sent dans le texte qu'on vient d'entendre. Ouais. Faire tomber les masques, c'est-à-dire Il a la position d'un démystificateur. C'est exactement comme ça qu'il arrive dans la discussion, disant non mais arrêtez de nous raconter toutes ces imbécilités sur la justice. La justice, c'est évidemment un masque que se donne soit le pouvoir en place du grand nombre quand on est en démocratie, soit le tyran quand on est en tyrannie, pour en fait simplement exercer son propre pouvoir et exploiter les gouvernés. Donc la justice n'existe pas pour Trazalac. La justice est un masque, effectivement. Ouais. C'est-à-dire quelque chose que au fond, qui cache un rapport d'exploitation. Puisque la politique est un art de l'exploitation. La domination, si on préfère, mais je préfère exploitation. Je sais encore plus fort. C'est ça la thèse vraiment, vraiment, vraiment centrale de la République. Et alors, vous allez me dire pourquoi, du coup, Trazimac prend cette espèce d'importance. Et c'est vrai, c'est un personnage extrêmement important, extrêmement marquant, etc. Et l'échange avec Socrate est absolument magnifique et très dense. Il me semble, alors ça c'est une thèse peut-être hétérodoxe, hein, tous mes collègues ne la partagent pas, mais moi je pense que Platon partage le constat avec Trazimac. C'est-à-dire que je pense que Platon pense que dans les politeiai, dans les constitutions telles qu'elles existent, il n'y a que la domination. Dans les démocraties telles qu'elles existent, dans les oligarchies telles qu'elles existent, dans les tyrannies évidemment telles qu'elles existent, telles qu'il a pu les connaître, il n'y a que la domination. Et de ce point de vue-là, Trazimac a raison. Là où Trazimac a tort, c'est quand il déduit de sa thèse descriptive une thèse normative. C'est ça. Quand il déduit, et il le fait aussi un peu dans ce texte-là, quand il en vient du constat qu'il fait du fait que la justice, en fait, n'est pratiquée nulle part, hein, et que l'injuste est toujours celui qui gagne et le juste toujours celui qui perd, quand il va de là à dire, et il est bien normal qu'il en soit c'est ainsi. Ça. Une chose est de le constater, une autre est d'en faire une norme. Exactement. Et toute la République, au fond, c'est pour ça que Trazimac est aussi important, c'est, si vous voulez, la tentative platonicienne pour nous montrer que une autre politéia est possible, une autre constitution est possible, où il y aura de la hiérarchie, parce que ça vous allez en parler beaucoup, mais il y a pas mal de hiérarchie dans la République de Platon, dans la cité idéale, mais où il n'y aura pas de domination d'exploitation. Alors là, c'est une thèse hétérodoxe, je vous le dis tout de suite, parce que plein de personnes qui ont lu Platon vont dire « Quoi, il n'y a pas d'exploitation dans la thèse dans la cité de la République, alors que les philosophes sont en haut, les producteurs et les artisans en bas, etc. etc. » Alors ça demanderait beaucoup de développement, mais moi je pense qu'effectivement, toute l'idée de Platon, c'est de remplacer, de comprendre autrement le rapport gouvernant-gouverné en décalant le modèle trazimachéen, c'est-à-dire le rapport maître-esclave, pour proposer autre chose. Pour proposer un modèle, effectivement, certes hiérarchique, mais où la tempérance et la justice font que chaque individu et chaque groupe dans la cité, au fond, accepte l'ordre commun. Et ça ne peut marcher, effectivement, que si les philosophes sont à la tête et s'ils gouvernent dans l'intérêt des gouvernés et non dans leur intérêt propre. Donc c'est toute une politique anti-trazimachéenne que Platon est en train de construire dans la République, et il le fait parce que, à mon sens, ils partagent le constat. De toute façon, l'idée selon laquelle la politique est l'art d'imposer la loi du plus fort en revêtant des masques est une idée qui est partagée par énormément de personnes. Oui. Écoutez notamment l'extrait du Roi à New York de Chaplin. Sire, je vous présente Rupert, notre jeune journaliste. Enchanté, Rupert. Enchanté. Alors, asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez, là ? Karl Marx. Se peut-il que vous soyez communiste ? Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx ? Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes ? Je ne suis rien. Rien ? Je déteste toutes les formes de gouvernement. Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner. Et je déteste le mot « gouverner ». Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs. Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple. Mais mon cher enfant, la politique est une nécessité. La politique est une règle que l'on impose au peuple. Oh, enfin, dans ce pays, nulle règle n'est imposée. Chacun exprime le vœu de citoyen libre. Promenez-vous un peu et vous verrez comme ils sont libres. Mais enfin, laissez-moi... Dans ce monde libre, on viole les droits naturels de tous les citoyens. Voyons, laissez-moi... Ils sont devenus des hommes aux mains de politiciens despotiques. L'Empire romain s'est effondré lors de l'assassinat de César. Et pourquoi ? Parce qu'il était devenu trop fort. La féodalité a été balayée par la Révolution française. Et pourquoi ? Parce qu'elle était devenue trop fort. Et aujourd'hui, tout le monde va exploser. Et pourquoi ? Parce qu'il est devenu trop fort. Et oui, c'est une autre manière de le dire, hein, finalement, que la politique est toujours une affaire de rapport de force. Ouais. Cela, Platon le sait bien. La question, alors, quelle est-elle, Dimitri Elmuret ? Est-ce celle de savoir quel type de rapport de force sommes-nous prêts à accepter au nom de la justice indispensable au bon fonctionnement de la cité. Oui, je pense, c'est exactement ça la question. Et il y a quelque chose de très profond dans l'extrême, que je ne connaissais pas, que vous avez passé, c'est que le petit garçon dit « j'aime pas le mot gouvernement ». Ouais. Ça c'est extrêmement intéressant parce qu'au fond la vraie position anarchiste, même au sens contemporain, il y a un livre récent de Catherine Malabou qui est sur cette question-là, qui est vraiment intéressant. C'est l'idée même de gouvernement, c'est-à-dire même le gouvernement en soi, c'est trop pour une position anarchiste. Évidemment, Platon il est à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire que pour lui le gouvernement inclut le gouvernement de soi, c'est la quintessence même du rapport politique. Il n'y a pas de rapport politique sans rapport de gouvernement, donc évidemment a fortiori il n'y a pas de justice s'il n'y a pas un rapport de gouvernement. Ceci étant dit, gouvernement et domination, pour Platon, on peut discuter après, c'est pas la même chose, ou exploitation si on veut, et c'est ça qui est très fort pour Dites-nous moi c'est pourquoi. C'est-à-dire que la République, pour moi, si vous voulez, là, on parle vraiment de choses. J'ai même parlé d'un peu de choses très contemporaines. Au fond, c'est un texte extrêmement actuel et extrêmement encore d'une actualité brûlante pour moi, parce que même si ça nous parle de réalités qui sont très très loin de nous, en un certain sens, et d'une époque qui est très très loin de nous, c'est une réflexion extrêmement profonde sur la différence qu'il y a entre gouvernement et domination. Et Trasimaque, c'est le chantre, le héros de la domination ou l'exploitation. Et Platon, lui, cherche à naviguer sur cette fine crête qui veut qu'il n'y a pas de politique sans hiérarchie, sinon, effectivement, le savoir ne peut pas gouverner. Et ça, c'est un problème pour Platon, c'est-à-dire que l'édifice politique est basé sur rien. Mmh. Et en même temps, on ne peut pas fonder une politique sans une idée de communauté, et l'idée de communauté ne peut pas passer, est contradictoire avec l'idée de domination. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des sujets et des gouvernants, ou qu'il y ait des despotes et des sujets ou des maîtres et des esclaves. Donc c'est quand même quelque chose de voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la question de la justice là-dedans, elle se décline selon les deux modalités par lesquelles Platon l'envisage, c'est-à-dire dans l'âme et dans la cité. Dans l'âme, la justice est aussi dépendant de l'ordre de mon âme, c'est-à-dire de la façon dont je me gouverne. Et puis, évidemment, dans la cité, elle dépend d'un certain ordre social qui fait que on remplit sa fonction pour le tout et qu'en même temps, on accepte l'ordre dans lequel on est. Alors, c'est évidemment une des idées très, très anti-anarchistes. Que ça veut dire qu'il n'y a pas de justice sans ordre, oui, ni sans une certaine mise en pratique de la soumission. Alors, mais d'une partie de l'âme à une autre, à la du désir à la raison et des citoyens à un gouvernement quand même. Je comprends que vous disiez ça, mais moi j'emploie jamais le mot soumission. J'emploie le mot subordination. Vous allez dire c'est une toute petite nuance non, au sens. Non, je vous demanderais de nous définir la différence entre les deux. Bah, c'est-à-dire que la soumission effectivement c'est le rapport de l'esclave au maître. Ouais. La subordination peut être l'acceptation de la compétence du dirigeant. Il y a un côté moins passif à la subordination. Exactement. Exactement. Ouais. Et ça, c'est, alors voilà, vous avez le mot important, c'est ça. Il n'y a pas de communauté sans une activité commune. Hein, voilà. Mais je pense que, après, pour décaler un tout petit peu la question, la République, ce qui est fondamental, et vous allez le voir pendant toute la semaine et la semaine prochaine, c'est que c'est peut-être un des plus grands livres de philosophie politique sur ce que c'est que la communauté. Et ça résonne encore de nos jours de manière très forte. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui promeut l'individualisme. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est intéressant pour notre époque qui est quand même très individualiste. Et la République nous dit une chose très forte, et très simple, mais que je trouve très forte, qui est qu'il n'y a pas de communauté sans sacrifice du privé. Quand j'entre en communauté, donc en communauté politique, je cède quelque chose de ce qui m'appartient. Mmh. Et c'est le prix à payer. Et mais donc, il le faut pour Platon. Oui. Mais la communauté n'est jamais absolument, générale. Enfin, pour Platon, quand même, dans la cité, il y a trois groupes très distincts. Oui. Et mais... c'est d'ailleurs, la justice s'obtient si ces trois groupes vont s'entendre. Trois communautés, je crois que là, on peut le dire. Hein. Donc, il y a le peuple qui va produire la subsistance, les gardiens de la République, la cité qui vont protéger leurs concitoyens, et les philosophes qui gouvernent. Et chacun doit quand même rester à sa place. Alors, Platon est encore une fois hyper subtil là-dessus, parce que d'abord il y a de la circulation, la circulation possible entre les groupes. Je préfère parler de groupe que de classe, parce que ça. Non, je disais communauté. Alors, mais il y a une réflexion extrêmement poussé Platon pour justement arriver à unifier tout ça. Vous pourriez dire, Platon en fait se donne déjà la réponse à la question qu'il se pose en disant, bah comme la cité est comme l'âme. Alors dans ce cas-là, bah évidemment, il y a l'unité d'une âme, si vous voulez, dans la cité. Donc, au fond, il pose pas la question, mais absolument pas. Il pose au contraire la question, puisque ces trois groupes, ils passent son temps à essayer de comprendre les rapports qu'ils ont entre eux, ouais. les rapports d'échange, et les rapports de respect réciproque et leur commune participation à l'intérêt du tout. Puisqu'il le dit très explicitement au livre 7, la question n'est pas, quand Glaucon lui pose la question du bonheur du philosophe qui redescend dans la caverne, il lui répond, mais c'est, on s'en fout du bonheur de tel ou tel groupe. Ce qu'on veut, c'est le bonheur du tout. Voilà, donc à voir quelle différence, quelle proximité il y a avec le communisme, et ça on en parlera aussi cette semaine. Oui. Donc la question c'est quand même, est-ce que la justice est la loi du plus fort ? Bah, Socrate va dire à Trasimaque que non, il ne faudrait pas qu'elle le soit, mais la question qui reste quand même, qui est sous-jacente, c'est peut-on gouverner sans dominer, oui. c'est ça ? Oui, tout à fait. Et le peut-on ? Alors... On répondra demain. On peut déjà. Ouais. Socrate donne déjà une réponse. Il y a juste avant le passage qui a été lu tout à l'heure, il y a ce passage magnifique où Socrate explique à Trasimaque que, bah, forcément, la politique, si c'est un art, une techné, hein, une compétence, elle est nécessairement destinée à faire le bien des objets auxquels elle s'applique. C'est-à-dire, le politique est nécessairement en train de faire le bien des gouvernés. Sinon, c'est pas la politique. Alors, Trasimaque est complètement effaré, lui dit, mais quoi, t'as jamais vu un berger, tu sais bien que le berger, il exploite les moutons pour leur tondre la laine dessus. Et Socrate lui répond, mais non, mais c'est pas un berger, ça. Un vrai berger, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses moutons, qui prend soin de ses moutons, qui aime ses moutons, pour qu'effectivement, à la fin, on puisse les tondre. Et la preuve qu'on en a, c'est qu'il a un salaire. Qui compense justement tout le bien qu'il fait à ses moutons. Et ça, c'est un modèle extrêmement fort. C'est-à-dire que Platon réinvestit aussi le modèle pastoral qui a été tellement discuté par Michel Foucault. Ouais. Où d'ailleurs, il parle de ce passage. Et il est en train de nous montrer qu'un modèle pastoral de la politique qui soit anti-trasimachéen est possible. Bah non, le berger, il n'est pas là pour tondre son troupeau. Il est là pour en prendre soin. Reste à savoir si la métaphore pastorale du berger qui doit veiller sur son troupeau est la plus pertinente pour qualifier la relation qu'un gouverneur doit avoir avec ses gouvernés, n'est-ce pas ? On parlait bien d'hierarchie. Elle est là. Dimitri Elmer, on se retrouve demain. Quelle chance pour la suite de la lecture de La République de Platon. On parlera du livre 2. Alors, vous le disiez, c'est la construction de La République en différents livres. On ne sait pas jusqu'à quel point elle est authentique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de suspense à la fin de chaque livre, exactement comme une série télé aujourd'hui. Ouais. On se dit, mais que va-t-il se passer ? Et vous voulez nous dire un mot de la fin, là, du livre 1 ? Pour nous donner envie de revenir demain ? La fin du livre 1 se termine où Socrate a grosso modo réfuté Trasimaque. Il y a des débats là-dessus, mais il a quand même réfuté Trasimaque en lui montrant que quand même, c'est quand même la vie de justice qu'il faut choisir, parce que c'est elle qui correspond au bien de mon âme. Très bien. Sauf que ça va pas suffire à Glaucon et à Dimante, qui eux vont reprendre le défi lancé par Trasimaque en disant « Non mais nous, on n'est pas du tout satisfaits. Nous, on veut en savoir plus. » Et notamment, ils vont poser une question incroyable, et je vous laisse sur ce suspense. Allez, la question c'est, est-ce que, oui ou non, la justice doit toujours, et en toutes circonstances, être choisi, quelles que soient les circonstances. Et la réponse pour Socrate est évidemment oui, mais c'est pas du tout facile à démontrer. Mais on verra ça demain. À demain. À demain. SOS, SOS, les voleurs de la République. Arbitraire. le règne de l'arbitraire. Tout est arbitraire et le peuple se fait prêtre par ce dangereux, dangereux béni, oui, oui, les voleurs de la République. Dangereux, dangereux béni, oui, oui, les moutons de Panurge. Le chant du cygne est un signe, le peuple lit entre les lignes. Et c'est avec Alpha Blondie que nous passons le relais à Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne sur France Culture, les chemins de la philosophie, le pourquoi du comment. Comment fait-on une expérience ? Faire une expérience, cela semble d'abord être une expression très confuse dans notre langage ordinaire. Par exemple, quand on dit « j'ai fait », souvent au passé, l'expérience de l'amour. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre une expérience au sens sensible, individuel, immédiat, dans laquelle on est en train de subir et quelque chose sans y être pour rien, sans la faire en aucun sens, d'un côté ? Et d'un autre côté, un autre sens du mot « expérience », très actif, mais aussi très artificiel, celle de l'expérimentation que le savoir fait, en effet, en laboratoire avec l'élaboration préalable d'une théorie, la délimitation d'un cadre et l'expression d'un résultat. Faire une expérience, faire l'expérience de l'amour, ce qui nous semble si important, est-ce que ça n'est pas justement une illusion, un mélange, un mixte, un peu confus, un peu bâtard, de ces deux aspects de l'expérience sensible, immédiate, passive, vitale que nous subissons d'un côté et de l'expérimentation active, scientifique que nous pratiquons, que nous développons, d'un côté avec des problèmes très différents et une sorte de partage interne du mot « expérience » lui-même. Eh bien, c'est tout le contraire. Peut-être que l'expérience véritable, l'expérience humaine, l'expérience réelle ne commence que dans ce mixte, qu'au moment où les événements que nous subissons, les affects que nous éprouvons surgissent dans notre conscience, par quelque chose comme une exclamation active où nous comprenons, où nous disons justement que nous prenons conscience qu'il se passe quelque chose d'important, sur quoi nous ne cesserons ensuite de revenir justement au passé. Par exemple, nous rencontrons quelqu'un ou quelqu'une et nous savons qu'il se passe quelque chose, nous ne savons pas bien quoi, et rétrospectivement, nous dirons en y réfléchissant sans cesse que nous avons fait l'expérience de l'amour. Et l'expérience commence avec ce mélange, avec cette pointe extrême, à cette limite entre l'événement lui-même, la rencontre, et l'étonnement, l'exclamation, avant même la question ou la réflexion qui nous emmènera très loin. Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, l'amour ? Et bien sûr, cela vaut aussi pour les expériences terribles. Quand on dit qu'on a fait l'expérience de la guerre, d'un côté, on est sans doute comme Fabrice à Waterloo, dans la Chartreuse de Parme de Stendhal, qui fait l'expérience de la guerre sans rien y comprendre, qui est perdu sur le champ de bataille, mais qui quand même peut-être justement fait mieux l'expérience de la guerre que le général dans le QG qui en est bien loin, qui est bien loin du terrain, comme on dit. Et rétrospectivement, Fabrice aura fait l'expérience de la guerre, comme le prince André aussi dans Guerre et Paix, qui tout à coup, en réfléchissant, se dit « mais qu'est-ce que j'ai vécu là ?» Et c'est peut-être dans ce retour qu'on s'aperçoit qu'il y avait, dès le départ, un point de contact entre la dimension passive de l'expérience et la dimension active, subjective, personnelle d'une expérience, de l'expérience qui n'est jamais seulement l'expérience de quelque chose, mais aussi l'expérience de quelqu'un. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à podcaster, à télécharger. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui prépare chaque jour cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle, en compagnie de Jules Barbier, Carla Michel, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions platoniciennes. À la prise de son aujourd'hui, c'était Dalia. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Et je vous donne rendez-vous demain, évidemment, pour la suite de notre série, série télé, hein, puisqu'on se retrouve pendant 2 semaines tous les jours avec une question différente. Série donc autour de la République de Platon. tout un programme, sans mauvais jeu de mots. Et bien demain, nous serons toujours en compagnie de Dimitri Elmure qui a ouvert cette semaine. On s'intéressera au livre 2 de la République, on se demandera si nous sommes tous de bons citoyens. Gardez votre réponse pour demain et puis vous découvrirez celle de Platon. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien en la téléchargeant, en la podcastant, notamment grâce à l'application Radio France. Et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, où nous mettons quotidiennement l'émission en ligne. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.